avant d'entendre Émilie Simon avec Rainbow, Anne-Sophie Charon, La Belle et la Douce, et Happy Drivers avec La Isa Bonita, une reprise de Madonna. Ben voyons, et pourquoi tu dis ça? C'est une reprise de Madonna, effectivement, là. Parce que la Madonna, elle est belle ce soir, ne crois-tu pas, toi? Ben voyons, c'est certain, c'est la plus belle. C'est la plus belle, c'est une rose. Une rose pour mon amour. Une rose, juste une rose. Une rose, une rose. Madonna, Madonna, non, pas maintenant. Puis maintenant, c'est pas Madonna, moi, là. Moi, non, moi, c'est Maryse, Christine, and Adrian Reprise, c'est de l'anglais. Le cabinet des rentes, un nouveau numéro d'improvisation s'ouvre à l'instant, dis-je, en me cherchant de la salive sur le bord de la babine, il n'y en a pas. Comment ça, t'as pas de la salive? Ben, pas vraiment, là. Ben, non, mais il faudrait que j'aille chercher un peu de breuvage. Ben, le breuvage n'est pas disponible actuellement, parce que t'es en pleine errance rénaldienne. J'irai en chercher dans quelques minutes. Comment? J'irai en chercher dans quelques minutes. Penses-tu que tu vas survenir? Je vais survenir jusqu'à la saison prochaine. Je vous plaiterai, lui dit-elle, avant le foie d'animal, intérêt et principal. Mais la fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Excuse-moi, là. Mais que faisiez-vous au temps de la bonne chanson? Alors, le cabinet d'errance, un nouveau numéro d'improvisation s'ouvre à l'instant. Nous, le cabinet d'errance, comment? Le cabinet d'errance, on comprend pas très bien, on dirait que t'es un ontarien. Eh oui. Sur un souffle, une phrase, voire même un adage, une étrange structure narrative, allumons-nous cette semaine avec un slogan rénalien. On n'a absolument rien compris, d'accord. Alors, faisons comme à l'université malade, un nouveau numéro d'improvisation s'ouvre à nous. Oui, monsieur. Des fois, le s'ouvre, là. Ça s'ouvrait pas vraiment. Mais, hey, je te dis que Martin Luther King, il disait que l'ouverture, c'est la grande intelligence du genre humain. C'est qui disait ça? C'est Martin Luther King. Qui? Martin Luther King. Le pupin. Martin, le petit lapin. Et qui disait, quoi de neuf, docteur? Quoi de neuf, docteur? Ah, mais c'est pas le lapin, c'est Luther King, ben, Bopper Ping, le pupin. C'était pas pire. Le capitaine des races. Un souffle, une phrase, voire même un adage, débutera une étrange structure narrative. Là, les gens vont comprendre absolument rien. Ils vont se dire que t'es dans un second souffle. OK. Une phrase, voire même un adage, débutera une étrange structure narrative. Allumons-nous cette semaine avec ce slogan rénaldien. Oh, c'est là la phrase. C'est là que ça dérape. Oh, on aime ça comme ça. On aime ça comme ça. On aime ça comme ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. On aime ça comme ça. Comme ça, on aime ça. Mais pourquoi pas, hein? Vous, aimez-vous la plaisanterie, la rigolade, la structure qui cherche... Hein? Oh, OK. Excusez-moi, là, ça c'est comme purjuté en avant, mais par derrière aussi. Qu'est-ce qui se passe à ton émission, là? T'as plus le contrôle? J'ai un contrôle. J'ai toujours le contrôle. Attendez, je vais demander à Mme Contrôle, pouvez-vous... Mme Contrôle, pouvez-vous saisir toutes les structures de ce qui se passe depuis... combien de temps? Depuis 5 minutes après l'interruption. On cherche, on trouve. Oui, mais c'est déjà là. C'est bizarre, là, votre... on cherche, on trouve quoi, là? C'est ça, la vie. Ben, si, ouais, ça, il me semble que c'est tout fait, là. C'est... J'ai déjà entendu ça hier soir, avant-hier, puis la semaine dernière, puis il y a 2 semaines, il y a 2 ans, il y a 3 ans, puis mais enfin, vous êtes extraordinaire. Quelle chose vous voulez... On cherche, on trouve, c'est ça la vie. Oui. OK. On trouve quoi, madame? On trouve l'énorme... On cherche, oui. On trouve, oui. C'est ça la vie. Oui, on trouve l'énormité, sans doute. Une place, surtout, madame, faites-moi pas pomper, là, hein. C'est pas le temps. Le temps d'une chanson. Le temps de dire je t'aime. Le temps d'une chanson. Et moi je t'aime. Le temps d'une chanson. Le temps de dire je t'aime. Le temps d'une chanson. Et moi je t'aime. Tout le monde ensemble. Le temps d'une chanson. C'est beau. Le temps de dire je t'aime. Le temps d'une... OK, merci. Une place. Parce que là, il faut... c'est l'improvisation là, que je vais lire. Est-ce que vous suiviez, Madame Tremblay? Je suis vieille. Et bien trop vieille maintenant. Qu'avez-vous dit? Je suis trop vieille, mais je suis maintenant. Vous suivez quoi? Je suis l'errance. Mais c'est très bien. Alors, une place qui se déplace au soleil. Et voici l'émerveillement qui ne ment pas. Alors, la phrase, c'est une place qui se déplace au soleil. Et voici l'émerveillement qui ne ment pas. Qui un jour... trouve sa fortune à travers une libellule, un insecte chanteur qui lui dit toi aussi rieur, ni rieur, ni chanteur, ni danseur, ni baladeur, je ne suis qu'une petite chose qui essaye de se balader. Comment te nommes-tu? Mouche. Mouche comment? Mouche. Moi, non, mais quel est ton soubresaut? Mon soubresaut. Quel est ton petit nom? Mouche. Non, mais en dehors de tout ça, tes petites copines. Mouche à marde. Mouche à marde. Mouche à merde. Mouche à merde. Tu te considères comme une mouche à merde? Non, jamais. Je me suis jamais considéré comme une mouche à merde, puisque je cherchais déjà la volupté. La volupté se cache dans la... la mouche. La mouche à quoi? La mouche à feu. La mouche à feu! Oh, ben écoute, on te donne quoi? On te donne le temps de réfléchir. Oh, OK. Alors, c'est un temps déjà déraisonnable, où les gens se trouvaient souvent beaucoup plus minables que la majorité de la société qui, ce soir, veut bien se valoriser. Mais comment lui donner cette volupté, cette errance qui la transformera secondement dans une autre extravagance. On ne sait pas, mais l'enfant, lui, qui ricane, peut-être vous dire son secret.

les chanceux qui ne sont pas arrivés sur terre par erreur. J'ai caché les preuves, les débris de mon vaisseau. Sur terre à la dérive, tout c'est SOS. Le cerveau se consume, faute d'assumer le fait. Je suis le scientifique surnommé l'artiste, presque distant, quasi autiste, accusé d'écrire depuis la lune. M'en fiche. La vérité ne sort plus de la bouche des enfants, mais de celle d'O.I.S. On peut parler la même langue et rester débranché. Atterrir au même endroit, demeurer des étrangers. Raison pour laquelle l'amour t'en a tant manqué. Tu t'es demandé si t'avais pas été adopté. Les réactions t'ont tellement marqué. Tu doutes de la pater et de la maternité. Le nouvel ami, ta maman t'a mis à la porte. Ce comportement n'a rien d'humain ni d'unique. Il est cosmique. T'as pas connu ton père, le traite pas de tocard. T'es certainement arrivé sur terre, mais sûrement arrivé sur terre par erreur. J'ai caché les preuves et débris de mon vaisseau. Sur terre à la dérive, tout c'est SOS. Le cerveau se consume, faute d'assumer le fait d'être arrivé sur terre par erreur. J'ai caché les preuves, les débris de mon vaisseau. Sur terre à la dérive, tout c'est SOS. Le cerveau se consume, faute d'assumer le fait. Donc, tu connais le nom qu'on t'a donné, tu sais pas qui t'es. Coupable d'exister, peu seront acquittés. Tous coincés entre la naissance et le décès à ta vie. Va chercher un sens, des primes à laisser. On s'évade comme on peut. Si tu te supprimes, c'est garanti. Tu rentreras pas plus vite, fais comme moi. Apprivoise tes peines, tes pleurs. Mets-toi à l'abri sous mon raisonnement. Songe à jeter l'éponge. Prends ce mouchoir, essuie tes joues. Apprécie l'air qui se joue. Mon chant sonne un nouvel air qui me plaît. Je te chantonne. Arrivé sur terre. Nanana, nanana. Arrivé sur terre par erreur. J'ai caché les preuves et débris mon vaisseau. Sur terre à la dérive, tout c'est SOS. Le cerveau se consume, faute d'assumer le fait d'être arrivé sur terre par erreur. J'ai caché les preuves, les débris mon vaisseau. Sur terre à la dérive, tout c'est SOS. Le cerveau se consume, faute d'assumer le fait d'être arrivé sur terre par erreur. J'ai caché les preuves, les débris mon vaisseau. Sur terre à la dérive, tout c'est SOS. Le cerveau se consume, faute d'assumer le fait d'être arrivé sur terre par erreur. J'ai caché les preuves, les débris mon vaisseau. Sur terre à la dérive, d'où tout c'est SOS. Le cerveau se consume, faute d'assumer le fait d'être. CKRL, cultive tes goûts. On cultive les goûts, puis aussi j'ai quelqu'un qui veut bien cultiver le fait qu'on a entendu des pièces musicales. Et puis oui, il se repose là, mais il travaille fort là, vous l'entendez? Et puis mais il est pas dans le son. Je vais demander, hey Jean-Marc, est-ce que le petit peut à un moment donné se balancer? Ben c'est maintenant. Ben ok, on y va maintenant. Oui. Nous venons d'entendre la fille avec le mâle appétit. Ensuite, toujours la fille alias Anne-Sophie Charon, que j'ai rencontrée en juillet 2010. Et puis, Oxmo Puccino avec la chanson Arrive sur Terre. Tout ça à CKRL, Errance Renaldienne 89.1. Merci à cette station. De me diffuser. Mais oui, mais il oublie, il peut pas continuer. Puis il a le propos, il rit. Il dit bonjour, je m'appelle. Puis là, il faut des femmes pour dire Rénal. Ok, moi je m'appelle Rénal. Rénal qui? Gagné. Et monsieur, il gagne pas grand chose, lui, à vivre. Encore et encore, replaçons les pendules à l'heure, repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré. Moi, je me dis qu'il y a un public qui m'écoute régulièrement, puis là, ils se disent à chaque fois que je me mette à... Que tu te mettes ou pas? Non, que j'ai pas dit que je me mette. Je te dis que tu te mettes! On te coupe le sujet! Non, on te coupe le salaire, toi. Tu connais combien? J'étais bénévole. Comment? J'étais bénévole. Bénévole. Je connais pas ça. Mais on te met dehors. On me payait pas. Mais hey, même si on te paye pas, on te met dehors. Hey, t'es pas très gentil. Comment tu t'appelles, toi? Replaçons Encore. On replace personne. Encore et encore, replaçons les pendules à l'heure. Repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine labouré. Il est méchant. On te rembauche. Merci beaucoup, Rénal. T'es un amour. Comment? T'es un amour. Est-ce que tu peux le dire dans le micro? T'es un amour. Non, c'est trop fort. Eh, voyons, pas trop fort. T'es un amour. OK. Repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré. Relatons la biographie d'une icône illustrice, rostrastrustrarrestresse. Reliez en soir à sa rarisse, on a restresse, rarabaresse. Torréris, à manarin, on a ressoy, à manoy, à nanosoy. À manosoy, à manosoy, à nestine. Anastine à Manoche, à Manegray, à Renaray, à Renaray. Hey, on n'est pas branché sur Google Traduction. Il faut traduire, on va le traduire. On doit traduire un chron de la CKRL. Comment? Il dit, ils vont traduire spécialement pour CKRL. La barrière à Saint-Mère-Rénaldienne. Pour l'incroyable émission d'Errance Rénaldienne. C'est une émission que jamais aucune planète auditive peut un jour commencer. Arrête de réessayer! Oui, ok, excusez-moi. Aucune mission aussi auditive arrive à capter. Arrête d'animer et ramener chaleureux rénal. Un humour aussi rénal tienne. Et rénal est moi, renoncin. Rénal est aussi un petit enfant de Chine qui rénerait en brogne et qui se cherche à travers les rénomérés en horreurin, en horreurin, en horreurin, en horreurin. À travers les laboureurs à peine bourrés. Alors, repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré. Relatons la biographie d'une icône illustre du passé, revisitée ici et maintenant. Comment? Remédier et maintenant. Revisitée ici et maintenant. Alors, c'est... Là, il faut arrêter le passé pour arriver au présent, à me trembler. Même petit bonhomme, monsieur le juge. Monsieur Tremblay, vous voulez voir les? OK. Alors, on dit que Serge Rancourt du lac Beauport. Lac Beauport, c'est où lac Beauport? Lac Beauport, c'est en périphérie de la ville de Québec. C'est un endroit extraordinaire pour le lac qui s'y cache, qui s'appelle le lac. Le lac Saint-Germain, le lac des Prés, le lac des Pieds. Non, le lac, c'est au lac Beauport. Alors, le lac s'appelle... Le lac Saint-Germain, le lac Beauport, le lac des Pieds. Non, le lac. Le lac Beau. Non, le lac Beauport. Ben, c'est ça que j'ai dit, le lac Beauport. OK. Alors donc, Serge Rancourt... Ne s'appelle pas Serge Rancourt, mais Serge Gainsbourg. Ben oui, on vous a fait croire que c'était un juif. Oh, les femmes ont pleuré, ils ont acheté des albums. Oh, je suis le sas au soleil, mais je ne me cache pas beaucoup. Moi, je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. C'est pas lui, ça, c'est Brassens. Oui, mais Gainsbourg et Brassens, c'est communion solennelle, ça, c'est... Je suis le poinçonneur de lilas, moi qui le regarde pas. Moi, je suis de la Seine, pas de Beauport, pas de Lac-Port. Moi, je suis du Lac-Beauport! Hein, c'est vrai, c'est ça, Gainsbourg, ben oui. Puis là, quand il a dit, la beauté cachée des laits, se voit dans le Lac-Beauport. Le lac Beauport, des laits, se voit dans le lac Beauport. Hey, tu dis pas n'importe quoi! Depuis quand, moi, Rénal de Gagné, je dis n'importe quoi? Mais, pour rehausser ton audit Mac. Comment? Pour rehausser ton audit Mac. Pour rehausser ton audit Mac. Pour rehausser ton audit Mac. le doody bag. Le doody bag. On dit pas le doody bag, on lit l'audimat. L'audimat. OK. Pour rehausser l'audimat. Est-ce que tu connais Serge Rancourt? Ben oui. C'est le type qui se prend, qui voulait être Serge Gainsbourg. Qui voulait pas, qui était Serge Gainsbourg. C'est un gars de Québec, Serge Gainsbourg. C'est pas un juif, c'est un Québécois. Puis à un moment donné, il est parti en France. Puis s'il dit, on va les avoir, les Français. Puis il les a eus complètement. On l'applaudit. Serge Gainsbourg a eu la France, Paris, Bruxelles, Suisse, toute la planète avec je viens entre les lacs et ce soir, c'est le beau port. Et ça gang. Mais ça gang plus, là. Ça gang pas, ça, là. C'est des millions de dollars dans la recette. Ah ben voyons donc, t'es en train de générer, mais ouais, je sais pas, hey, c'est une émission impossible! J'ai tourné dans un de ces films qui est passé à Paris au Festival International des films, du film Sexy. Sexy. Alors que c'est pas du tout un film. Sexy. Mais en fait, le festival a eu un coup de cœur pour ce film. Et donc, ils l'ont pas mis en compétition parce que ça avait rien à voir avec le sujet, mais ils l'ont mis en soirée de clôture du festival. Ok, un second regard comme à l'Olympique. Voilà. Comme Et donc, c'est Anne Le Chartier qui a réalisé, où j'ai le premier rôle. Mais c'est pas un court-métrage, c'est un long métrage. Non, c'est un moyen. Okay, c'est 20 minutes. Non, 20 minutes. Ah, 20 minutes, c'est un court. Okay. Tu vois, c'est un court. Ouais. Mais voilà, donc j'ai beaucoup envie de travailler avec elle parce qu'elle me connaît très bien. Okay. Et donc on coécrit le scénario ensemble, si tu veux. Tu trouves que l'image qu'elle rend, ça ressemble un peu à ton profil Complètement. C'est elle aussi qui me maquille, qui me dessine la fin, okay. Tu vois, qui elle est peintre, réalisatrice, maquilleuse professionnelle. Mais avant chaque spectacle, tu te fais. Oui. C'est elle qui est c'est là. C'est 2 heures de maquillage quasiment. Mais c'est elle qui te fait ça. Sans, tu fais pas de spectacle s'il n'y a pas de. Si jamais elle n'était pas là. Ok, oui. Mais tu peux pas t'appliquer quelque chose. Y a pas... Ben on y a pensé. Okay. Ouais. On va peut-être faire fabriquer des petits pochoirs. Oui, tu oui, sais. C'est ça. Oui, oui. Et qu'on accole et qu'on enlève. Ça serait après. Plus simple. Ben oui, ben là. Parce que là, si tu t'en vas en tournée en Belgique, en Suisse, puis au ah, Québec. Mais elle a envie de venir. Oui, mais c'est le budget, c'est plus cher. Voilà, c'est ça. Une question de budget. Tout est dans le budget. Ouais. C'est en terrible. 2010, et c'est déjà ça. Aujourd'hui, tu vois, on est déjà une formation lourde par rapport à ce que les gens demandent. C'est-à-dire que 4 musiciens plus une chanteuse. C'est le maximum. L'ingé son. C'est le maximum. Le lighteux, enfin voilà, t'es obligé de partir avec ça. Ah, ouais. Alors c'est aussi pour ça qu'on a créé une formation acoustique, tu vois, où on n'est pas obligé d'être aussi nombreux, on peut faire ça à 3. Ouais. Mais évidemment, je préfère. Mais c'est beaucoup de travail. Hein. Ouais. Mais quand on est. Ah, mais j'adore. La population. Première leçon de séduction. On y va. Moi d'habitude, j'ai l'habitude. Trouver un homme en bon état, c'est plus dur que la solitude. Il faudrait faire un mode d'emploi. Pourtant, c'est pas si compliqué. Y a pas de secret, pas de hasard. Moi, je suis une femme libérée. D'ailleurs, je suis libre tous les soirs. C'est très bizarre. Adieu vos vaches cochons, à nous les garçons. Y a le petit bourgeois fauché, objet de toutes les convoitises. Et puis l'adulte refoulé, un télo jusqu'à la bêtise. Y'a le tombeur du lavomatique, y'a le robin, l'échec en bois. Et puis le cutard romantique, en un mot, l'embarras du choix. Sans être une fille facile, j'étais pourtant pas difficile. Il y a bien sûr des gentlemen, il y a toujours des utopies. Puis y'a celui qui vous empoigne, sans retirer ses après-ski. mais le gros bébé que l'on soigne de ses remords, de ses regrets. Il vous parlera de sa femme entre deux prises de canapé. Adieu vos vaches cochons à nous, les garçons. Ouais. Celui qui rumine vos paroles, les yeux bovinos ferroviaires, et qui traîne ses 2000 casseroles sans s'approcher de la cuisinière. Celui-là, il faut s'en méfier. Il est trentenaire, célibataire, mais vous emmène, ça fait rêver, en vacances au bord de sa mer. Sans être une fille facile, j'étais pourtant pas difficile. Faut se méfier du salaud qui dort et du dépressif incompris, de l'homme à femme, de l'omnivore, en un mot, de l'homme de sa vie. Alors, pour pas faire de jaloux, alors je pense, donc je fuis. Parce que l'on peut souffrir de tout, mais pas avec n'importe qui. Adieu vos vaches cochons, à nous les garçons. Moi d'habitude, j'ai l'habitude de bonne conscience en mauvaise foi. J'ai bien trouvé la solitude, mais toujours pas le mode d'emploi. Alors, pour plus me faire piéger face à l'éternel masculin, au moins, moi je suis une femme libérée. D'ailleurs, je suis libre aussi le matin, mais ça va bien. Adieu vos vaches garçons, à nous les cochons. CKRL. Cultive tes goûts. Ben oui, ben oui, ça cultive tes goûts, mais tellement de goûts que même mon égouttoire ne veut pas fonctionner à l'heure où je lui dis. Mais Germaine m'a dit, ouvre ton micro! Ben comment ça? Ton micro! Ton micro, il est jamais trop gros! Ben oui, OK. N. Davis avec Mission Impossible 1988, Anne-Sophie Charon en entrevue en juillet et Agnès Bill à nous les garçons, oui la fille, mais pour combien de temps? Les gens ont rien compris. Alors je vais vous redire dans ma bouche la plus belle, la plus, comment dire, la plus... La moins. Alors, c'était Lao Shring and John Lindovis avec Mission Impossible 1988. Anne-Sophie Charon, que j'ai eu la chance de rencontrer en juillet 2010. En début de juillet, il faisait chaud. Tout le monde était à poil. Moi aussi. Anne-Sophie, non. Et puis, Agnès Bill, à nous les garçons. Comment ça, toi, t'étais à poil? Ben, je suis tout le temps à poil. La police m'a arrêté, elle m'a dit, Monsieur Grenier! Ah non, elle m'a dit, ah putain, mec, oh, t'es un belge, t'es un con, t'es un triple con. Les cons sont pas le belge. Non, effectivement, t'es un Québécois. Je viens de la ville. De la ville de... Le maire de Québec. T'es un con. Je suis un con. La seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Mabuse. Alors, rien n'arrête l'errance rénaldienne. La preuve. Une autre nouveauté. Un nouvel atelier d'improvisation prendra forme dans quelques minutes. Hey, on a peur. C'est comme un fantôme. Non. C'est un drame fantomatique. Mais dans fantôme, il y a fantomatique. Un drame fantomatique. Nous placerons l'avant-scène. Et monsieur, Jean-Marc, on avait mis l'arrière-scène et puis on n'avait pas pensé à l'avant-scène. Et puis lui, il dit l'avant-scène. L'avant-scène, un citoyen qui viendra nous raconter sa vie, son passé et quelques instantanés de son existence. Plaçons sur les projos. Oh, monsieur, lequel projo? Le projo le plus idiot! Ah non, le projo le plus... Un moment de silence. Un travail manuel pour la ville de Québec. OK, un travailleur manuel dans la ville de Québec. OK, alors on a ici un beau travailleur. Vous êtes un travailleur et puis il y a un trou ici. Qu'est-ce que vous pouvez en faire, sincèrement, là? Je n'ai pas le droit à faire ça! OK, mais si... ben, comment ça, vous êtes seul avec votre camion, vous me dites... Je n'ai pas le droit à faire ça! Ouais, mais qui peut faire ça à part vous, mon cher monsieur? OK, si on se déplace, là, OK, en arrière de vous, il y a une pancarte, OK, puis la pancarte doit être piquée parce qu'elle est tombée. Est-ce que vous allez faire ça? Bon. OK. Mais quel est votre... lorsque vous allez avoir à suivre un itinéraire, une façon de fonctionner, OK, si on vous dit de creuser là, est-ce que vous allez... sincèrement... Je n'ai pas le droit à faire ça! OK. Mais on aimerait bien savoir qu'est-ce que vous devez faire là si, malheureusement, il y a des égouts qui coulent sur la ville de Québec. Et puis, encore là, c'est très triste, là. Mais il y a des morts. C'est boueux. On vous demande d'aller chercher ces gens-là. Qu'est-ce que vous allez dire? Je n'ai pas le droit à faire ça! Bon. Alors, votre travail, en résumé, c'est de chercher quelque chose... Ben, c'est simple, c'est simple. Alors, un travailleur manuel pour la ville de Québec, c'est des Québécois, c'est quoi, c'est de... Je n'ai pas le droit à faire ça! OK. Ben, écoutez, on va vous embaucher. Vous êtes quand même tellement souriant. Puis... Non, mais attendez, monsieur Rowling. Là, on est devant un gars qui travaille pour la ville de Québec. Et puis, on lui demande, là... tantôt, là, de peinturer ici, OK? On voit pas qu'on doit arrêter, OK? Puis c'est votre mission. C'était qui, là, de faire ça? Je n'ai pas le droit à faire ça! Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained or nothing's lost. At such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind. Good.

Reginald, peux-tu monter au sous-sol? Et très facilement, moi, là, là. C'est pas vrai. Nous voulons entendre The Rolling Stone avec Ruby, The Best Day. Ah, oh, Sophie Charon, on l'appelle. Que Reginald a rencontré en juillet 2010. Et puis, elle est my beat. Oh, my beat. And Sophie Charon. Oui, OK. De la nouveauté. On sait pas ce qu'il voulait dire, là. C'est de l'anglais. C'est quoi? La beat, Sophie Chambran, la beat, OK. De la nouveauté. Hébergeons à partir de maintenant. On s'excuse auprès de tous les membres et les non-membres de CKRL. J'espère que vous allez rester. Rester comment? Ben, membres. On est très membres, là. On se tient, là. La nouveauté. On se tient la nouveauté. Hébergeons à partir de maintenant un nouvel atelier d'improvisation. Offrons-nous un peu de septième art dans les oreilles. Amorçons le numéro avec un court extrait cinématographique. Comment? Cinématographique. Hey, ça, là, c'est du cinéma cinématographique sous l'inspiration et la transpiration du moment. Aujourd'hui, nous incrusterons sur la surface sonore le film Broken Flowers. Broken Flowers. Là, je sais qu'il y a des filles qui ont dit, oh, j'ai vu ça, ce film-là, Robert, t'en souviens-tu? Ben, je me suis endormi, moi, là, là. Hey, Robert! Voyons donc, on était amoureux. Ça faisait deux jours qu'on était ensemble. J'étais endormi. Mais voyons donc, mon Robert! Mais toi, t'es une infâme, une infâme, mon Dieu, mon Robert! Même Robert s'en souvenait pas. The Broken Flowers, un film aussi intéressant que subtil. C'est américain, eh oui, mais si je vous dis Jim Jarmusch, ah ben Jim Jarmusch, moi je l'ai rencontré hier soir, il était couché dans le soleil, et puis qu'il cherchait la lune, je lui ai dit, ça vient pas en même temps mon petit champion. Le soleil laisse la place à la lune. Fait que laisse ton temps digérer. Il me disait, j'ai pas le temps. Comment ça? J'ai pas le temps. Que t'as pas le temps? J'ai pas le temps. Mais si t'as pas le temps, mon petit numéro 1, faudrait que tu t'excuses pis que tu partes. Ouais, mais j'ai pas le temps. T'as pas le temps de quoi? J'ai pas le temps. T'as pas le temps de partir? J'ai pas le temps. Mais, wow! OK, Broken Flowers. Oui. Est un film américain. Oui. Réalisé par Jim Jarmusch. La mouche. Pas la mouche. La mouche à marde, la mouche à feu. C'est Jim Jarmusch. Jarmusch. Jarmusch qui? Jarmusch quoi? Jarmusch. Je la mouche depuis deux semaines. Ça veut pas sortir. Ça veut pas. Je la mouche. Et ça donne quoi? Ça donne ça. Avez-vous déjà rencontré Don Juan? Non, jamais. Pas une seule fois. Alors pourquoi êtes-vous en deuil? Parce que je ne l'ai jamais rencontré. C'est étonnant. Je n'imaginais pas que mon propre enterrement pouvait être un tel plaisir. Et qu'il apporte une fin heureuse à ta carrière. Une fin? Disparaît pendant qu'elles ont encore une bonne image de toi. Sans rides, sans cheveux gris. Tu gâcherais toute réjouissance, même un enterrement. Non, mes amis, c'est un beau spectacle. Des femmes et des femmes. L'éternelle soif d'amour des femmes. J'ai pratiquement toutes mes affaires. On dirait que tu as reçu une lettre d'amour d'une autre de tes amies. Ah oui, t'es jalouse. T'es jalouse, comme toujours. Ben oui, j'en ai reçu, j'en reçois tout le temps. Et Rancenaldienne est bourrée de messages, non pas subliminales, mais des gens qui me disent « Bravo, t'es un excellent, t'es une merde, t'es rien, lâche tout ça. » Il y a même des anonymes qui travaillent là-bas, dans l'industrie radiophonique, puis qui me font un anonymus en disant « T'es un rien. Puis là, depuis que je suis là, là, il se ferme la gueule. Comment ça? C'est qui ce monde-là, là? Monsieur Tremblay, Madame Moreau, là, on n'a plus le temps. Comment ça, là? Qui se la ferme? Qui se la bouche? Qui se la trouble? Ben oui, il y en a des gens qui aiment ça, qui aiment pas ça, qui trouvent ça intéressant, bizarre, étrange. Puis tant mieux, merci, Sérance Rénaldine. Je vous embrasse, Sérénal Gagné. Hey, avant, hey, quand tu dis ça, là, c'est un point final, hein? Non, c'est 3 points de suspension. Comment ça, là? Hey, oh oui. 3 points de suspension. Hey. Oh, hey. Oh, j'aime le sable sous ton menton. J'aime le visage sur tes prunelles. Peux-tu me dire, ma douce belle, ton nom cybernétique, ton courriel peut m'amener sur des ailes infinies, mon errant. Oui, alors je dirais mon courriel, c'est comme ça qu'on voit. C'est RénalQuebec, RAYNALDQUEBEC, Rénal, comme Rénal, RAY, Québec, comme la ville, Québec. Québec, 1, 2, 3, 4, Québec, quand j'aurai des ailes, je partirai pour RénalQuebec. Google, Google, Facebook, c'est Rénal. Facebook, c'est Rénal. Ah oh oui, mais voyons donc, je sais pas. Tu me dis ça, là. Je vous dis ça maintenant. C'est sérieux. C'est très sérieux. Écoutez, Errance Rénaldienne. Rénal Gagné. R-A-Y-N-A-L-D. Attends un peu. Hey, Jim. Jim, sors de ton gym. Et délivre-toi. Rénal, R-A-Y-N-A-L-D, G-A-G-N-E, à commercial, hotmail.com. Oh!

Cultive tes goûts.